Eh bien, bonjour, bonjour. C'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, troisième petit épisode d'une nouvelle qui s'appelle Les Noces Fabuleuses du Polonais, écrite par Fouad Laroui. Fouad Laroui est donc un écrivain maroco-néerlandais d'expression française. Il se consacre à l'écriture, mais également c'est un enseignant à l'Université libre d'Amsterdam en ce moment, parce qu'il est né en 1958. Un tout petit résumé, voyons voir. Nous sommes donc au Maroc sur une mine de phosphate à Kouribga. Nous avons donc cette grande mine qui demande à des Polonais de venir s'expatrier un petit peu en tant que médecin, dentiste, etc. Et là, c'est l'histoire d'un Polonais qui s'appelle donc Maciek et qui adore un petit peu la culture marocaine et surtout les femmes marocaines et Un petit Marocain, un petit peu filou, organise pour lui un mariage pour rire. On va voir, pour rire. C'est un petit peu bizarre parce que les deux nuits de noces sont passées. Il a même passé une très bonne journée avec sa femme, entre guillemets. Et maintenant, il vient demander des explications à Moussa. Donc, je commence. Nous y sommes, se dit Moussa. L'instant était grave. Il respira un grand coup comme s'il prenait une mâle résolution. Écoute, Maciek, assois-toi. Il faut que nous parlions sérieusement. L'autre s'assit, le sourcil froncé, pressentant des choses. Avec la plus extraordinaire mauvaise foi, Moussa lui exposa la situation telle qu'elle se présentait à cette heure. « Maciek, le fait est que nous ne parlons pas la même langue, n'est-ce pas? Tu es polonais, je suis kouribgi. On peut bien s'entendre pour des choses simples, toi et moi, en mélangeant la darija, le français, je ne sais trop quoi, mais la confusion s'installe dès que nous voulons traiter de choses plus compliquées. » Ainsi, le jour où on a parlé de tout ça, eh bien, j'ai cru que tu voulais vraiment te marier. C'est de ta faute, hein? Tu n'as pas été clair. On ne comprend pas grand-chose à ce que tu racontes. On n'y comprend même rien, à vrai dire. Bref, je te répète, j'ai cru que tu voulais vraiment épouser une fille du cru. Après tout, tu les aimes bien, non? Et que tu voulais que je te donne un coup de main. Comme je t'aime beaucoup, je me suis mis en chasse et je t'ai choisi la plus belle fleur de Kouribga, ma propre cousine Daouia. Vous êtes mariés en bonne et due forme. Tu es bien le seul à ne pas le savoir. » La bouche grande ouverte, Maciek laissa percoler dans son cerveau moite la signification de ce qu'il entendait. Il voulut élever 10 000 objections contre l'étrange situation dans laquelle il se trouvait, comme on élève une digue contre l'océan furieux. Mais rien ne vint sinon cet argument maigrelet. « Mais je suis catholique !» Moussa secoua la tête. « Non !» En fait, non, mon cher ami, tu es officiellement musulman. Il y a un document écrit signé par 2 adoules assermentés qui l'attestent. Ils en ont une copie, moi aussi, et nous en avons envoyé une 3e au ministère de la Justice pour régulariser ton mariage avec Daouia, la perle de Kouribga. Mariage qui est donc tout à fait valable. Je m'en fous! S'emporta le Polonais en se levant d'un bond. « Je suis catholique, comme le pape Jean-Paul II, Wojtyla. Il est de chez nous. Je suis catholique. » Moussa, jetant des regards furtifs autour de lui, lui fit signe de parler moins fort. On était quand même dans un lieu public. Il y avait des mouchards dans tous les coins. Moussa en était sans doute un lui-même. « Si j'étais toi, Matchek, je cesserais de clamer Urbi et Orbi ma foi catholique. Tout le monde ici est au courant de ta conversion. Et maintenant, tu viens nous chanter l'éloge du pape. L'apostasie, c'est très grave en islam. C'est même puni de peine de mort. Couic !» Contrefaisant ainsi le cri du mouton qu'on égorge, il passa lentement son pouce le long de son cou. Matchek protesta. Il faut à peine 2 minutes pour devenir musulman, mais après on ne peut plus jamais faire marche arrière. Ouais, c'est comme ça. Sinon, couic, couic. Qu'est-ce que c'est que cette religion? Tu entres, on te coupe le zizi, tu sors, on te coupe la tête. N'insulte pas ma religion, qui est aussi la tienne. Furieux. Matchek sortit en trombe du café de la poste et courut jusqu'à sa villa, tenant de ses mains les pans de sa veste, exposé aux lazis de quelques gamins qui le traitèrent en riant de « Bibi ». Ça veut dire « dindon ». Le portail était entrebâillé. En âge, il entra et chercha des yeux sa douce moitié. Il la trouva en train de nettoyer le haut de la treille. Pour ce faire, elle s'était juchée sur un tabouret et se penchait maintenant sur les arceaux. Elle était pieds nus et son peignoir, qui dessinait fidèlement la courbe de ses jolies fesses bien charnues, remontait à mi-cuisse. Haletant, la bouche ouverte, Matchek admira le spectacle qui lui rappelait certains attouchements nocturnes récents. « Je réglerai cette affaire demain, » pensa-t-il. « Que diable, il faut prendre le temps de peser le pour et le contre. » Daouia se retourna, ayant senti une présence, et lui sourit tendrement. « Ta cousine est partie ?» balbutia-t-il pour dire quelque chose. De la cuisine sortait un délicieux fumet. « On mangeait quoi ce soir ?» Que se passa-t-il ensuite ? Il semble que Matchek remettait chaque jour au lendemain la grande explication qu'il s'était promis d'avoir avec Daouia et qui devait mettre fin à cette situation fausse. Il revenait dans sa villa fourbu chaque fin d'après-midi. Et c'était chaque fois un spectacle nouveau, une nouvelle surprise. Elle était en train d'émonder une charmille, de tailler un espalier ou de fouir les plates-bandes. Toujours vêtue de tenues saillantes qui mettaient en valeur ses formes affolantes. Elle lui faisait un signe gracieux de la main, il allait s'asseoir sur une chaise au pied du chêne et la regardait bouche bée. Quand elle n'était pas dans le jardin, c'est qu'elle était dans la cuisine. Elle semblait connaître 1000 plats plus délicieux les uns que les autres. Son linge était propre, sa maison bien tenue, il était bien nourri. Ne parlons pas des nuits qui ne nous regardent pas. Il sembla à Matchek que jamais il n'avait été aussi heureux. Le gynécologue polonais m'apprit un jour, alors que nous dînions au club des ingénieurs, que Matchek n'avait pas de famille en Pologne. Fils unique, il avait perdu adolescent ses 2 parents dans un accident de la route et avait fini par grandir dans des internats et avant d'entamer ses études supérieures. En somme, sa seule famille présentement, c'était la belle Kouribgui contre le corps de qui il dormait chaque nuit. À propos de famille, Daouia tomba enceinte. Son ventre s'arrondissait au grand scandale de certains Polonais qui dénoncèrent Matchek à leur consul. On l'admonesta. Il haussa les épaules, ce n'était pas le consul qui lui faisait des hariras les jours de grand vent. Le carnet gris de Matchek ne suffisait plus, il en acheta un autre. Maintenant, une question se pose. Quel était exactement l'intérêt pour Daouia d'épouser le Polonais? Si on reconstitue l'affaire, il semble qu'elle ait été elle aussi abusée par son cousin Moussa. Daouia, qui était née dans une famille très pauvre, avait été mariée dès l'adolescence et sous la contrainte à un homme de la région qui avait émigré en Italie et qui en était revenu pour prendre femme. Elle l'avait connu pendant 2 semaines, cet étranger taciturne, qui avait bien le double de son âge et qu'elle n'avait vu qu'une fois avant le mariage, de façon fortuite, à l'occasion d'une fête familiale, une circoncision. Cela lui avait suffi, à lui, avant de repartir. Il avait demandé à sa mère de régler l'affaire, ce qu'elle fit sans difficulté. Le père de l'adolescente n'était que trop content d'avoir une bouche de moins à nourrir. Et un gendre travaillant en Europe, c'était à l'époque comme avoir un oncle d'Amérique. L'homme était revenu à Khouribga pour la noce, avec quelques cadeaux qui firent illusion parce qu'il venait de loin. Il l'avait défloré brutalement, ne lui avait pas adressé plus de quelques mots, puis s'en était retourné à Milan, où il allait essayer d'obtenir les papiers nécessaires pour la faire venir auprès de lui au titre du regroupement familial. En attendant, elle devait habiter avec sa mère à lui, l'émigré, et ses sœurs, plus laides les unes que les autres et aussi peu affables que leurs frères. Elle prit rapidement en grippe cette adolescente trop belle. Oui, c'est Cendrillon chez les Oulad Abdoun, et qui ne pouvait pas se résigner à passer toute l'année dans une pièce, à se morfondre en attendant le prince très peu charmant auquel le sort l'avait donné. Elle pleura sans doute beaucoup, au début, puis elle exigea de pouvoir sortir. Elle menaça de mettre fin à ses jours, elle fit mine d'avaler le contenu d'une bouteille d'eau de Javel. Consultée par téléphone, l'émigré consentit à ce qu'elle sortît une fois par jour, à condition qu'elle ne fût jamais seule. On lui colla donc des chaperons, les sœurs de l'émigré. Excédée, elle réussit à les semer une ou deux fois pour aller seule se promener. On crut la voir au parc municipal en conversation avec un jeune de son âge. C'était sans doute lui qui l'avait abordée. Elle lui avait répondu, c'était de leur âge, c'était innocent. L'effronté, on avertit son lointain époux que Daouia parlait avec d'autres hommes. Il estima son honneur bafoué et la répudia par correspondance du pays de Dante. Elle retourna chez ses parents avec une réputation de fille légère. À Khouribga, à l'époque, une telle réputation était comme une tache indélébile qui ruinait toute possibilité pour la femme ainsi marquée de trouver un mari. Mais elle était tellement belle qu'un jeune contremaître de l'office, l'ayant un jour aperçue dans la rue, en fut obsédé, se mit à l'épier, puis à la suivre, un sourire idiot flottant sur ses lèvres. Elle ne répondit jamais à ses avances, ne lui fit jamais l'aumône d'un mot, allant droit devant elle, le regard fixe, comme une déesse inaccessible. Ce qui, bien entendu, exacerba le désir du soupirant. Il décida de l'épouser, malgré les conseils de ses amis. Une divorcée, une délurée. Il fit sa demande. Elle se laissa convaincre par ses parents, ou plutôt par sa mère, puisque son père ne lui parlait plus. Eux ne voyaient que le salaire du contremaître qui tombait le premier de chaque mois. Sa Fiat 127, son appartement et la fameuse prime. Et puis, ils étaient trop heureux de la recaser. Il savait bien ou il devinait ce qui se disait en ville à propos de leur fille. Quant à elle, on peut imaginer ses raisons. Quel avenir avait-elle dans la minuscule masure où son tchaouf de père crachait ses poumons et ne lui adressait jamais la parole, où l'on mangeait chichement et où les jours s'écoulaient dans une monotonie poisseuse. Elle épousa donc, en deuxième noce, le contremaître qui se nommait Louhari. Fou de désir, il était en proie à des sentiments violemment contradictoires, puisqu'à ce désir charnel qui le tenaillait se mêlait le mépris, le ressentiment. Elle ne lui avait pourtant rien fait et la crainte du ridicule. Il savait bien que sa femme ne passait pas pour une paragon de vertu. Son honneur était en jeu. Il décida qu'une telle femme devait être enfermée. C'est ce qu'il fit. Littéralement. Le matin, en allant au travail, il fermait à double tour la lourde porte de son appartement, dans lequel la belle Daouia, qui ne disposait pas du double des clés, était condamnée à rester jusqu'au retour de son seigneur et maître. L'appartement se trouvait au quatrième étage. Il était donc impossible de s'enfuir par une fenêtre. Il n'y avait que le suicide ou la résignation. En fin d'après-midi, il revenait, ayant fait les courses. Il les lui tendait sans un mot et allait allonger ses courtes jambes sous la table du salon, attendant qu'elle le serve. Le dimanche, elle avait le droit de sortir avec lui. Il faisait le tour du parc, elle marchant à côté de lui, mais pas tout à fait. Il faisait bien attention à la précéder de quelques centimètres. Il se trouva un ouvrier, un voisin du couple, pour détailler la triste condition de Daouya à l'ingénieur Benhima. Un jour que celui-ci bavardait avec lui lors d'une tournée de chantier, l'ouvrier s'enhardit à évoquer l'affaire. Il faisait une bonne action. N'y avait-il pas de risque mortel dans cet arrangement? Et si le feu se déclarait, la pauvre Daouya périrait dans les flammes, une si belle femme, et une musulmane malgré tout. Et puis la responsabilité de l'office, qui gérait l'immeuble, n'allait-elle pas être engagée en cas d'incendie? Dès son retour au bureau, Benhima convoqua Louhari et lui ordonna de faire cesser cette situation inhumaine. « En quoi cela vous regarde-t-il ? » osa demander le contremaître à l'ingénieur après quelques instants de flottement. « Je suis maître chez moi, non ?» Benhima le transperça du regard et se mit à hurler en français. « Cela me regarde ! Cela me regarde, car je suis un ami de l'humanité souffrante ! Oui, monsieur, si vous ne faites rien pour changer les choses, je vous licencie. À vous de choisir. » En allez-vous, monsieur? En allez-vous? » Acculé, le contremaître fit ce qui s'imposait. Non seulement il libéra sa femme, mais il la libéra définitivement. Il la répudia. Bis repetita. Sans doute s'imagina-t-il que c'était elle qui s'était plainte. Par quel tour de sorcellerie? À Benhima, bien confirmé. Elle s'en revint vivre de nouveau chez ses parents. Elle avait maintenant 20 ans et était deux fois divorcée. En somme, elle ne valait pas mieux qu'une catin en bas âge. « D'ailleurs, me dit un jour cette mauvaise langue d'ingénieur Tabaï, elle commença vraiment à se prostituer, n'ayant plus rien à perdre et n'ayant aucune source de revenus. Ce n'était pas son chaour de père qui pouvait lui donner de l'argent de poche. » On la voyait souvent rôder du côté des villas des ingénieurs, la tête baissée, vêtue d'une djellaba cache-misère au capuchon rabattu sur son visage. Sur un signe, elle entrait discrètement chez les célibataires. Et il ajouta un ton plus bas, « Moi-même ». Tabaï ne finit pas sa phrase, mais un sourire faro courut sur ses lèvres. Quel butor ! D'autres me dirent que tout cela était inventé et que Daouya gagnait sa vie en faisant des ménages dans deux ou trois familles européennes de Kouribga. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec les gens du cru. Peut-être. En tout cas, tout cela explique pourquoi Daoudja joua le jeu. Plus j'y pense, plus je crois qu'elle aussi avait été flouée par Moussa. Il avait dû lui faire croire que le dentiste polonais l'avait vu quelque part dans la rue peut-être, qu'il en était tombé amoureux, qu'il avait chargé Moussa d'arranger le coup. Elle devait connaître de vue Matchek, un blond aux yeux bleus, attablé au café de la poste ou parcourant les quartiers populaires de la ville, ça se remarque. Il faisait l'affaire, quitte à se convertir. Qu'avait-elle à attendre des autres hommes de Kouribga? Elle voyait bien dans leur regard ce qu'ils pensaient d'elle. Mais Moussa, qu'avait-il espéré en montant cette escroquerie? C'est là l'énigme. C'est cette question qui m'a donné le plus de fil à retordre. Qu'avait-il le sagouin à gagner dans cette supercherie? Écartons l'hypothèse de l'acte gratuit, de la mystification pour le geste, du canular. Moussa était un homme inculte, frustré, terre à terre, tout le contraire d'un joyeux luron et d'un surréaliste. Alors quoi? Eh bien, je crois que Moussa avait fait le calcul suivant. Matchek, une fois dégrisé, ayant compris dans quel piège il s'était fourré, allait pousser les hauts cris et exiger qu'on l'en dépêtre. Moussa, c'était la pointe de la combinaison, allait proposer de le faire moyennant l'octroi d'une forte somme d'argent. un classique de l'escroquerie. Celui qui vous a mis dedans vous propose de vous en sortir. C'est ce que susurra l'horrible bonhomme quand il vit de nouveau Matchek quelques jours après leur confrontation du café de la Poste. Si vraiment Daouya ne te plaît pas et si tu veux régler l'affaire, il avait cueilli le dentiste dans sa rue alors qu'il refermait le portail de sa villa. Matchek secoua la tête. « Écoute, Moussa, je vais au travail. On parlera un autre jour de tout cela. » Ce matin-là, Daouya lui avait concocté un petit déjeuner succulent. Elle avait posé une écuelle d'amelot devant lui et, plongeant le bout de son index dedans, elle le lui avait mis sur la langue. Il avait goûté pour la première fois à de l'amelot. Et dans quelles conditions ? Il m'arrive parfois de faire une hypothèse encore plus étrange, mais dont je m'assure par ma connaissance assez précise de la psychologie des habitants du plateau des phosphates, connaissance que j'ai fini par acquérir à force de mener des discussions sans queue ni tête avec certains de mes ouvriers. Hypothèse dont je m'assure donc qu'elle pourrait être la bonne, justement parce que la plus étrange, la voici. Il se peut que Moussa n'ait eu aucun plan préconçu. Je le maintiens. Il se peut que Moussa, comme un joueur d'échecs, uniquement préoccupé du prochain coup, refusant d'inscrire celui-ci dans une stratégie d'ensemble, insultant en quelque sorte l'avenir au bénéfice du seul moment présent, n'ait jamais rien calculé. Ou plus j'y pense, plus cette attitude, comment la qualifier ? Nihiliste, absurde, me semble correspondre à la psychologie de certains enfants de Oulad Abedoun. Une fois admise cette hypothèse, tout s'explique. Il s'agit au départ de promettre quelque chose à Matchek. Tu veux un mariage ? Tu l'auras. Gain, un verre de coca. Puis, tu dois acquérir une djellaba blanche. Gain, la moitié du prix. Exorbitant. De la djellaba, puisque Moussa était de mèche avec le vendeur. Dis donc, Matchek, tu possèdes maintenant une belle djellaba, organisons une cérémonie de conversion à la noble religion du prophète. Gain, quelques billets rétrocédés par les adoules. Bon, il est musulman, maintenant ce gros balourd, autant vraiment le marier. À qui ? À ma cousine Daouya, pardi. Gain, la reconnaissance éternelle, qui peut d'ailleurs se monnayer de son tchaouch de père, et de Daouya elle-même, à laquelle je fournis un mari clé en main. Clé de la villa, naturellement, et que je sors ainsi de sa condition de réprouvée. Gain supplémentaire, on verra plus tard. Avec une cousine dans la place, il y a certainement du bon. Des choses à gagner, je ne sais pas, moi. Je pourrais vendre les fruits du jardin, emprunter des outils, repeindre les murs contre argent sonnant et trébuchant. Oui, mais maintenant que l'idiot est vraiment marié à la traînée, il renacle. Il veut qu'on le désentrave, ce que je fais promptement. Gain, les frais de répudiation, inventons ce concept. Et ainsi de suite. Coup après coup, le réti de Kouribga, penché sur l'échiquier, les yeux à quelques centimètres des pièces qu'il manipule, avance. Trébuche, se relève, louvoie, pousse, progresse. On verra bien la fin de tout cela. À chaque coup suffit sa peine. Donc, Daouya tomba enceinte. Son ventre s'arrondissait. Matchek n'eut plus d'autre choix que d'accepter définitivement qu'il se trouvait marié, sans l'avoir voulu, ni même su au départ, à une beauté brune native de Kouribga, une ville dont il ignorait jusqu'à l'existence quelques années plus tôt. Les jours passèrent, et puis les semaines. Le Polonais ne fréquentait plus le café de la Poste. Il avait rompu avec la classe ouvrière et en premier lieu avec ce Moussa qu'il avait mis dans ce pétrin. Certes délectable, en fin de compte, mais tout de même. Daouya, qui se révéla être une femme de tête, avait mis de l'ordre dans la vie de Matchek. Elle lui avait interdit de fréquenter les ouvriers. De la villa au cabinet de dentiste, puis le chemin inverse. Son monde se rétrécit à des lieux familiers et à la seule personne qui comptait désormais pour lui et qui portait en elle sa descendance. Le week-end, il partait en voiture à Casablanca où personne ne les connaissait. J'imagine qu'il faisait ce que font les jeunes couples en goguette à Casablanca. Un tour en voiture sur la corniche, une petite promenade, on déguste une glace, on se baigne, on prend le soleil. Puis le soir venu, on va dîner dans un bon restaurant. Le bonheur sans histoire, loin de Corribga et des regards malveillants ou moqueurs. Lorsqu'elle accoucha d'un petit garçon, qui portait donc les gènes, bien étonné de se trouver ensemble, de plusieurs héros mythiques, Letch, Tetch, Rousse, et Abdoud Saïd, le Hilari, il fut prénommé Adam. J'allais dire comme tout le monde. Je veux dire, voilà un prénom qui convient à tous, puisque c'est celui de notre ancêtre commun, même s'il est assez peu usuel sur le plateau des phosphates et dans le reste du pays. Va pour Adam. L'année suivante, je fus muté à Casablanca par l'office. Mes nouvelles responsabilités m'éloignèrent de la mine et de ce qui se passait autour. Il m'arrivait cependant de rencontrer, au gré de mes déplacements professionnels ou par hasard, des ingénieurs qui étaient restés à Corribga. Nous parlions de tout et de rien et parfois de matchek, dont les mésaventures avaient défrayé la chronique. Chacun y allait de son anecdote ou de son appréciation. Je finis par me faire une idée assez précise de la suite des événements. Elle vaut le détour. Très vite, le couple le plus bizarre et le plus mal parti de Corribga eut un deuxième enfant, une fille, qu'ils prénommèrent Anna, encore un prénom qui pouvait être prononcé à la polonaise ou à la marocaine, qui donc n'engageait à rien et préservait l'avenir. Un excellent choix, en somme. Avec leurs deux enfants, Matchek et Daouia formaient un couple casanier très uni, qui ne sortait quasiment jamais. Il faut dire que leur grande villa avec son beau jardin, sa pelouse et ses arbres fruitiers leur suffisaient amplement. Dès que les deux enfants furent en âge d'aller à l'école, leurs parents s'arrangèrent pour qu'ils fissent l'école française par correspondance. Matchek parlait polonais avec ses enfants pour qu'ils apprissent la langue de ses ancêtres. Mais il tenait à ce qu'ils fussent élevés dans la langue de Clémenceau. Il y avait à Corribga plusieurs Français, mariés à des ingénieurs marocains qui s'ennuyaient un peu dans leur grande villa. Certaines d'entre elles consentirent volontiers à venir donner des cours aux deux enfants, si mignons, si adorables. Quand il faisait beau, très souvent, les cours se déroulaient à l'ombre du chêne, tout le monde y trouvait son compte. Daouia assistait à tous les cours et apprenait au même rythme que ses enfants. De fait, elle ne cessa jamais d'apprendre, comme tous ceux en qui l'intelligence s'unit à la curiosité. Des années après, leur voisin me raconta que, les ayant un jour invités à déjeuner avec leurs enfants, ils furent stupéfiés par l'aisance avec laquelle elle parlait français, ainsi que par l'étendue des sujets sur lesquels elle pouvait disserter. Il faut dire que Matchek était lui-même cultivé, malgré son air mal dégrossi. Il devait avoir plaisir à faire l'éducation de sa femme. Oui, Daouia avait maintenant un point de vue sur tout. Mais le plus important, c'est qu'elle pouvait l'exprimer, ce point de vue. Elle avait des choses à dire, et les mots pour le dire. Ils étaient loin, l'émigré brutal de Milan et l'ouvrier, le geôlier cruel. Ils n'auraient pas reconnu dans cette femme élégante et sûre d'elle l'adolescente qu'ils avaient voulu briser. Matchek fut-il mis au courant du passé de sa femme ? Il le fut sans doute, tôt ou tard. Mais justement, quel était-il ce fameux passé ? Il constituait certes un lourd passif pour les habitants du coin, mais pour lui, Matchek, qui venait d'un autre monde, les faits nus, Elle avait été mariée deux fois, répudiée deux fois. L'effet qu'il fallait dégager de leur gang de commentaires malveillants, d'insinuations, de on-dit, qu'il fallait distinguer nettement de cette vilaine histoire, jamais prouvée, de prostitution, l'effet nu pouvait signifier tout autre chose. Et d'abord ceci. Daouia était une victime. Oui, une victime. Il est très curieux que s'opère si fréquemment l'inversion par laquelle la victime devient coupable, bouc émissaire de nos fautes non avouées, de nos craintes, de nos fantasmes. J'ai dit plus haut que les yeux toujours écarquillés de Matchek me donnaient l'impression qu'il était plongé dans un perpétuel étonnement. Eh bien, ce sont ces yeux-là qui ont vu juste. J'en suis sûre, à la grande honte des autres, qui croient discerner et n'apercevoir en fait que leur propre scélératesse. Il n'est pas interdit d'imaginer la scène suivante. Daouia, racontant sa courte et brutale cohabitation avec le Milanais, puis l'enfermement, le sentiment atroce d'être enterrée vive. Elle n'avait pas 20 ans. Pendant le second mariage, et Matchek la prenant dans ses bras pour la consoler, pour chasser à jamais ses ombres des yeux de sa femme, il comprenait maintenant pourquoi elle avait l'air si triste le jour de leur mariage, pourquoi ses yeux agrandis par le kohl étaient aussi mélancoliques. Si elle avait si mal joué son rôle, c'est parce qu'elle ne jouait aucun rôle en fait. Elle revivait deux expériences malheureuses. Quelle chance avait-elle avec cette troisième tentative ? Il n'est pas interdit d'imaginer qu'en vivant avec Matchek, jour après jour, Daouia avait repris confiance dans la bonté des hommes ou de certains d'entre eux. Il y a eu une sorte d'épilogue assez banal, j'en conviens, à cette histoire. Il a eu lieu une vingtaine d'années après les faits. Là, je me souviens de tous les détails, je n'ai pas besoin de broder. 20 ans plus tard, donc, je rencontre à Paris, à l'occasion d'une conférence à Sciences Po, deux jeunes Marocains, frères et sœurs. Lui est centralien. Il commence une carrière prometteuse à la BNP. Elle est étudiante à Sciences Po, justement. Ils sont souriants, aimables, intelligents et surtout très beaux, de cette beauté étrange du métis qui allie les yeux clairs à la peau mate, ou les yeux de Carmen à une peau d'un blanc laiteux. Sachant que j'avais travaillé jadis à Kouribga, ils m'affirmèrent qu'ils y étaient nés tous deux, leur père y étant dentiste. Sur une intuition, je m'écrie : « Vous êtes les enfants de Matchek et de Daouia ?»« Matchevch ?»« Oui, répondit le jeune homme, et il prononça Matchei. « Mais notre mère s'appelle Maria. » La jeune fille ajouta : « Mais Daouia, c'est son vrai prénom, je l'ai vu sur son passeport. » Le jeune homme sourit, légèrement gêné. « Oui, mais bon, personne ne l'appelle ainsi. Tout le monde dit Maria. » Nous continuâmes de bavarder. Adam s'orientait vers la haute finance, Anna, qui parlait 5 langues, dont le polonais et l'arabe, vers la diplomatie. Le Quai d'Orsay, ça sonnait bien. Bien entendu, je ne leur dis rien de ce que je savais sur leur géniteur. Mais j'étais quand même assez émue, et même par instant, quand je les contemplais à la dérobée, sidérée. J'avais sous les yeux ce que peut donner la fameuse rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. À toi, l'autre et à moi. Ce n'était pas mal, à dire le moins. Et pour rester dans les citations, tout cela donne d'excellents Français, vu leur plan de carrière. Parfois, quand je me trouve en société et que la conversation porte sur l'insolite du monde, les coups du sort, les bizarreries de l'existence, je repense à l'étrange histoire du mariage du Polonais. Elle contient sans doute une morale, peut-être même plusieurs, comme les contes de notre enfance. Pour qui croit en Dieu ou en la Providence, comment ne pas voir dans cette comique affaire, qui connut un dénouement heureux, l'exécution parfaite d'un plan quasi divin ? Pour l'historiciste convaincu, qui consentirait tout de même à réduire l'univers aux dimensions de Kouribga, comment ne pas y voir une ruse de l'histoire ? Résumons. Voilà un homme, Matchek, sans importance collective, tout juste un individu, que des circonstances exceptionnelles dérangent de sa Pologne natale, où il aurait dû vivre le reste de son âge, pour l'installer sur un plateau aride, dans un Maroc qu'il ne connaît pas et où sa propre communauté le rejette, parce qu'il ne se conforme pas à la norme. Une norme est dictée par qui, par quoi ? Sinon par des idées reçues, la crainte de l'autre ou un sentiment injustifié de supériorité sur des gens dont on ne sait rien. Voici une femme, Daouia, ballottée par le sort, victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Deux fois mariée à des salauds, il n'y a d'adéquat que ce mot, et que des préjugés imbéciles condamnent à une vie de réprouvée dans une ville où aucun espoir n'est permis. L'intervention d'un traître de comédie, Moussa, qui n'est que l'instrument aveugle du démiurge, fait que les destins de ces deux exilés s'accolent. Et il en sort, en fin de compte, oserais-je user d'une formulation aussi mièvre, du bonheur pour tous et deux enfants superbes. Oui, du bonheur pour tous. Tant pis pour les cyniques. Le mariage du Polonais, que j'ai fini maintenant de raconter, c'est le genre d'histoire qui commence de la façon la plus farfelue et se termine de la façon la plus émouvante. De sorte qu'on pourrait en dire, avec le poète, « Que de fois j'ai souri de l'entendre, et plus souvent de pleurer. » Eh bien, voilà. Trois magnifiques... petit paragraphe hein, pour ces noces fabuleuses du Polonais, écrites par Foire Laroui. Je vous laisse donc avec une ou deux musiques, je ne sais pas, hein, on va choisir, entre une polonaise, la polka bien sûr, ou alors une noce marocaine. Allez, ou une petite musique française, je ne sais pas, il faut que je choisisse. Allez, à tout bientôt, sur Radio Gemozo bien sûr. L'espace d'une très mauvaise passe.